On avait envie aujourd'hui à l'après-midi porte-conseil de vous parler de café, plus particulièrement de caféine. Vous savez qu'on en consomme beaucoup. Parfois, on en consomme peut-être tôt, hein, trop. Est-ce qu'on dépasse la dose maximale de caféine et qui est recommandée par Santé Canada? Mais aussi, vous avez peut-être constaté qu'il y a plusieurs études et qui s'accumule, mais qui parle des bienfaits de la caféine, des vertus du café, et notamment une dernière étude de l'Institut national américain du cancer qui démontre que les personnes atteintes d'hépatite C, vous savez que c'est une maladie très grave, hépatite C, maladie chronique et mortelle qui attaque le foie, consommant quotidiennement au moins 3 tasses de café réduisent de 53% le risque de voir la maladie progresser par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Bref, il y a toutes sortes de vertus que l'on donne au café, cancer du foie, du sein, la maladie de Parkinson, mais il y a aussi, comme je le disais, des dangers. Et pour y voir plus clair, qui d'autre que la docteure en nutrition Isabelle Huot qui est avec nous. Bonjour Isabelle Huot. C'est un plaisir de vous accueillir à l'après-midi porte-conseil. Alors, le café. D'abord, toutes ces études-là, oui. Est-ce que vous y prêtez foi? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, le café qu'on a longtemps mis au banc des accusés retrouve enfin ses lettres de noblesse. On a souvent dit, ah, oh, le café, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires. Je pense qu'il faut regarder le portrait global du café. Puis on parle du café, en fait, on s'intéresse à la caféine. Oui. Donc, il y a le café, il y a le thé aussi qui apporte la caféine. Il y a toutes les boissons énergisantes aussi qui sont tellement populaires chez les jeunes. Et on n'a pas idée de la quantité de caféine qu'il y a dans ces boissons parce énergisantes. Parce que c'est rarement indiqué. Mais moi, j'ai appelé toutes les compagnies et puis j'ai dressé vraiment un portrait des contenus en caféine des boissons énergisantes. Puis en fait, ça va pour la bouteille de 250 ml, 80 mg de caféine en moyenne, donc l'équivalent d'un espresso. Pour un adulte, il n'y a pas de problème. Pour un enfant qui n'est pas habitué à la caféine, il peut avoir des effets secondaires. Et quand on parle d'effets secondaires, on parle de palpitations, rythme cardiaque irrégulier, insomnie, élévation de la tension artérielle momentanée, pas à long terme, mais dans les minutes qui suivent, dans la demi-heure qui suit, en fait, la consommation de caféine. Maintenant, il y a des règles quand même, des limites qui sont établies par Santé Canada qui dit que pour les enfants de 4 à 6 ans, on ne devrait pas dépasser 45 mg par jour. Ça veut dire qu'une boisson énergisante pour un enfant, c'est pas conseillé du tout puisqu'elle apporte 80 mg. Est-ce que vous me dites qu'il y a des enfants de 4 à 6 ans qui boivent des boissons énergisantes? C'est fou, mais il y a beaucoup de jeunes de 6 à 10 ans qui sont déjà adeptes de boissons énergisantes. Moi, je pense c'est carrément jeune. Qu'on devrait interdire ce type de boisson-là au moins de 18 ans. Ah oui, malheureusement, au moins de 18 ans. Ça se fait pas dans les dépanneurs. C'est une boisson qui donne de l'énergie. La caféine, en fait, elle provient du guarana, qui est une plante qui contient 2 fois plus de caféine, en fait, que le caféier, le grain de café. Puis, il y a tous les autres stimulants à l'intérieur. Puis, ce qui m'inquiète davantage, la taurine, qu'on va trouver, qui est un stimulant aussi, qui a été défendu en France parce que ça générait des psychoses, en fait, chez les jeunes qui en consommaient. Donc, il y a quand même des effets secondaires reliés à ça. Donc, Santé Canada dit 46 ans, non. 4 à 6 ans, 45 mg. Donc, il y a le chocolat aussi qui apporte du café, de la caféine. Faut pas penser que c'est juste le café non plus. Ensuite, 10 à 12 ans, pas plus de 85 mg. Donc, l'équivalent, encore une fois, d'un espresso. Femme enceinte et allaitante, 300 mg par jour, l'équivalent de 3 cafés-filtres environ. Et quand je dis café-filtre, c'est 1 tasse de café. Donc, maintenant, quand on s'en va dans les brûleries ou dans les cafés populaires, souvent, les gens vont prendre le format de 20 onces. Le jumbo, là. Le jumbo, c'est ça. Et ça, il faut le calculer aussi parce que ce n'est plus 100 mg de caféine. Ça peut monter à 200, 300. Mm-hmm. Et si Santé Canada dit, vous pouvez prendre sans problème un adulte en santé 400 mg de caféine par jour, 300 pour les femmes enceintes et allaitantes. Si on prend un format de 20 onces, les quantités de café et de caféine sont largement supérieures à ce moment-là. Ce n'est plus 3 ou 4 cafés par jour. Vous savez, Isabelle, quand même, 3 tasses de café, bon, femme enceinte, mais 3 tasses de café par jour, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. T'en as une le matin, peut-être 2, là, pour ceux qui en prennent 2, puis un après-dîner, peut-être, là. Oui, tout à fait. Puis là, on a vu, bon, les effets secondaires, entre autres, mais il y a beaucoup d'effets positifs sur lesquels on va s'attarder aussi, mais un effet secondaire rapporté souvent aussi, c'est la perte de calcium. Trop de caféine va engendrer une perte de calcium dans l'urine. Ça, c'est largement compensé. On a juste à mettre 2 cuillerées à soupe ou encore 30 ml de lait dans son café et ça compense pour la perte calcique engendrés par la consommation d'un café. Mmh. Alors, c'est très bon de mettre du lait dans son café. Oui. C'est très bon aussi de prendre un café au lait qui est fait avec du lait 1 ou 2 % Puis, il ne faut pas se gêner pour demander ça dans les brûleries. Souvent, ils vont prendre du lait entier. Il ne faut pas se gêner de demander un lait crémé, un lait à 1 % pour épargner un peu de calories tout en ayant un apport en calcium qui est vraiment intéressant. Oui. Est-ce que, Isabelle, il y a une grosse différence entre la caféine qu'on retrouve dans le café filtre ou le café espresso? Parce que souvent, on me dit, moi, j'ai eu de la difficulté avec la caféine, ça m'empêche de dormir. Bon. Ah oui. Mais on me dit, si tu prends un espresso, tu n'auras pas de problème. Il y en a moins. C'est le café filtre. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Parce que le café filtre, on parle d'environ 100 à 120 mg de caféine. Dans l'espresso, comme l'eau passe très rapidement à travers le grain, finalement, il y a une extraction moindre de caféine. Et là, on parle de 80 mg. Donc, quand même beaucoup moins. Mais pour une personne sensible, pour une personne qui va faire de l'insomnie, il faut arrêter de prendre du café 5 à 8 heures avant d'aller au lit. Avant le dodo. Oui, oui, absolument. Donc, la caféine, c'est un stimulant du système nerveux central. Ça augmente la concentration parmi les effets. On le sait depuis longtemps. Donc, on est plus concentré. On est plus efficace. On a plus de vigueur. Donc, ça, c'est vraiment prouvé. Les effets débutent avec une quantité aussi minime que 32 mg de caféine. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'une tasse de thé. Ouais. Une tasse de thé qui apporte 30 mg de caféine. On a déjà l'impact sur, on n'est plus alerte, on est plus efficace, on est plus concentré. Maintenant, parmi les effets positifs, on a rapporté, entre autres, ça diminue le déclin cognitif relié à l'âge. Donc, ça, très intéressant pour les personnes âgées. À partir de 3 tasses par jour, par contre. Donc, meilleur état d'alerte aussi chez les personnes âgées. C'est ça qui est embêtant parce que vous dites à partir de 3 tasses par jour. Donc, il faut en boire au moins 3. Oui. Mais par contre, il ne faut pas trop exagérer. C'est ça qui est compliqué parce que parfois, c'est bon pour nous. Parfois, ça ne l'est pas. Vous le dites si bien et c'est ça le problème avec les études. C'est que la plupart des études qui ont relié, entre autres, la part en café, parce que c'est celui qu'on étudie le plus, ou en thé, à la diminution du risque de maladie, les études qui ont trouvé les résultats significatifs sont faites avec des quantités de caféine de plus de 3 tasses par jour, parfois de 5 à 6 tasses. Je pense aux études sur le diabète, prévention du diabète chez les grands consommateurs de café. La caféine améliore le métabolisme du glucose. Puis on sait qu'il y a plus de 500 000 diabétiques au Québec, surtout de type 2, qui est souvent relié à l'obésité. Donc, le café a un effet protecteur, mais il faut en prendre 5 tasses par jour. Et si on prend 5 tasses de café, là, on dépasse la quantité de caféine recommandée. Et on peut développer autre chose. Donc, c'est un petit peu ça, la problématique avec le café. Mais ceci dit, avec 3 tasses par jour, d'autres effets positifs rapportés. Amélioration de la performance sportive. Je prends un café, je m'en vais m'entraîner. Je vais m'entraîner avec davantage de vigueur, plus d'intensité. Ça va préserver aussi mes réserves de glycogène, donc de sucre dans le foie et dans les muscles, ce qui fait que je vais brûler davantage de gras. Donc, un effet qui est quand même recherché. Donc, très intéressant pour la performance sportive. Oui. Ensuite, diminution des risques de maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Ça c'est aussi rapporté dans les études, notamment des études conduites auprès d'un large échantillonnage de femmes, mais encore une fois, 4 tasses et plus de café par jour. Effet sur le foie, vous l'avez mentionné, c'est très bon pour le foie. Prévention du cancer du foie, au niveau des dommages reliés à l'hépatite C également. Prévention des cirrhoses. Donc, pour le foie, la caféine est vraiment, vraiment intéressante aussi. Côté cancer, on a eu il y a quelques années des études qui ont rapporté, qui ont établi en fait une relation entre la caféine et le cancer du pancréas et des ovaires. Et depuis, on a eu d'autres études, c'est toujours ça, la science nutritionnelle, qui ont contredit ça et qui ont dit non, finalement, ça ne cause pas le cancer, même ça pourrait le protéger. Et parmi les cancers protégés, on s'attarde surtout au cancer du côlon, qui est un des cancers les plus fréquents dans la population quand même canadienne-québécoise. Après le cancer du sein et de la prostate, c'est le cancer du côlon. Mais il y a des antioxydants dans le café, il faut dire. Oui, il y a des antioxydants à l'intérieur du café, moins que dans le thé. Moi, je dirais le thé a quand même une valeur ajoutée. On a plusieurs études sur le thé qui relient le thé à la prévention du cancer, surtout le thé vert. Même de plus en plus d'études qui relient une relation entre la théine dans le thé, qui est en fait la caféine, mais qu'on retrouve dans le thé, et les catéchines, qui sont des composantes antioxydantes. Les deux ensemble pourraient, d'après des études récentes, stimuler le métabolisme et aider à la perte de poids. C'est vraiment des résultats, encore une fois, préliminaires. C'est ça, des résultats préliminaires, mais intéressants. Et moi, je pense que le café, si on aime ça, Bien, 3 tasses par jour, pour l'instant, il n'y en a pas de problème, même que ça pourrait apporter un bénéfice. Et puis, pourquoi pas en profiter, puisque ouais. les Canadiens sont vraiment amateurs de café aussi. Ah oui, apparemment. Oui. Apparemment. En tout cas, l'important, c'est de ne pas en faire une surdose. Oui. Mais effectivement. Le thé vert, là, juste une petite parenthèse, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a du thé vert sans caféine, il y a du thé... Est-ce qu'il a été traité à ce moment-là, ou comme on traite le café décaféiné? Comme on traite le café, on peut le faire. Moi, je conseille davantage les méthodes plus biologiques, plutôt que celles qui utilisent des solvants, qui sont des composantes qui peuvent être toxiques pour aller vraiment chercher la caféine à l'intérieur. Donc, si on achète un décaféiné ou un déthéiné, moi, j'irais avec un thé biologique ou un café biologique. Bon, et toujours se souvenir que la caféine n'est pas seulement dans le café et dans le thé. Dans le chocolat, chocolat aussi, surtout le chocolat noir. Ben oui, un carré de chocolat peut aussi compte, empêcher ça. De dormir. Ben oui, tout à fait. Isabelle Huot, merci, ce fut fort intéressant. Merci, Dominique. Merci à vous.